Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlos de Laclos, adaptation Lise Charles. Cinquième épisode. Valmont, tout en poursuivant ses assauts amoureux envers Madame de Tourvel, a décidé de séduire Cécile et de la perdre. Pour cela, il a commencé par lui proposer de l'aider à correspondre avec Danceny, dont Cécile est amoureuse. Lettre 75. Cécile Volanges à Sophie Carnet, ce 14 septembre. Je t'assure, ma chère Sophie, que Monsieur de Valmont est un homme bien extraordinaire. Maman en dit beaucoup de mal, mais le chevalier Danceny en dit beaucoup de bien, et je crois que c'est lui qui a raison. Je n'ai jamais vu d'homme aussi adroit. Quand il m'a rendu la lettre de Danceny, c'était au milieu de tout le monde, et personne n'en a rien vu. J'ai déjà fort bien compris comme il voulait que je fisse pour lui remettre ma réponse. Il est facile de s'entendre avec lui, car il a un regard qui dit tout ce qu'il veut. Il n'y a que Madame de Merteuil avec qui je parle librement quand je parle de mon amour. Peut-être même qu'avec toi, à qui je dis tout, si c'était en causant, je serais embarrassée. Et avec Danceny lui-même, j'ai souvent senti une certaine crainte qui m'empêchait de lui dire tout ce que je pensais. Je me la reproche bien à présent, et je donnerais tout au monde pour trouver le moment de lui dire combien je l'aime. Monsieur de Valmont lui a promis que si je me laissais conduire, il nous procurerait l'occasion de nous revoir. Je ferai bien assez ce qu'il voudra. Mais je ne peux pas concevoir que cela soit possible. Adieu, ma bonne amie. Je n'ai plus de place. Lettre 77. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel, ce 15 septembre. D'où peut venir, madame, le soin cruel que vous mettez à me fuir? Comment se peut-il que l'empressement le plus tendre de ma part n'obtienne de la vôtre que des procédés qu'on se permettrait à peine envers l'homme dont on aurait le plus à se plaindre? Combien de fois hier n'avez-vous pas détourné vos yeux pour me priver de la faveur d'un regard? Ce n'est là, j'ose le dire, ni le traitement que mérite l'amour, ni celui que peut se permettre l'amitié. Par quelle fatalité chaque action louable devient-elle pour moi le signal d'un malheur nouveau? C'est après avoir donné lieu au seul éloge que vous ayez encore daigné faire de ma conduite que j'ai eu, pour la première fois, à gémir du malheur de vous avoir déplu. C'est après vous avoir prouvé ma soumission parfaite, en me privant du bonheur de vous voir, uniquement pour rassurer votre délicatesse, que vous avez voulu rompre toute correspondance avec moi. C'est enfin après vous avoir parlé avec une sincérité que l'intérêt même de cet amour n'a pu affaiblir, que vous me fuyez aujourd'hui comme un séducteur dangereux dont vous auriez reconnu la perfidie. Ne vous lasserez-vous donc jamais d'être injuste? Apprenez-moi du moins quels nouveaux torts ont pu vous porter à tant de sévérité, et ne refusez pas de me dicter les ordres que vous voulez que je suive. Lettre 78. La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont, ce 16 septembre. Vous paraissez, monsieur, surpris de ma conduite, et peu s'en faut même que vous ne m'en demandiez compte, comme ayant le droit de la blâmer. Cependant, à table, vous choisissez précisément votre place à côté de la mienne. Une légère indisposition me force d'en sortir avant les autres. Et au lieu de respecter ma solitude, vous engagez tout le monde à venir la troubler. Rentrez au salon, si je fais un pas, je vous trouve à côté de moi. Si je dis une parole, c'est toujours vous qui me répondez. Le mot le plus indifférent vous sert de prétexte pour ramener une conversation que je ne voulais pas entendre, qui pouvait même me compromettre. Car enfin, monsieur, quelque adresse que vous y mettiez, ce que je comprends, je crois que les autres peuvent aussi le comprendre. Et vous vous plaignez de mes procédés? Et vous vous étonnez de mon empressement à vous fuir? Blâmez-moi plutôt de mon indulgence. Étonnez-vous que je ne sois pas partie au moment de votre arrivée. Je l'aurais dû, peut-être. Et vous me forcerez à ce parti violent, mais nécessaire, si vous ne cessez enfin des poursuites offensantes. Adieu, monsieur. Lettre 79. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 18 septembre. J'ai un avis important à vous donner, ma chère amie. Au souper où j'étais hier, on parla de vous. Et j'en dis, comme vous pouvez croire, non pas tout le bien que j'en pense, mais tout celui que je n'en pense pas. Tout le monde paraissait être de mon avis, et la conversation languissait, comme il arrive toujours quand on ne dit que du bien de son prochain, lorsqu'il s'éleva un contradicteur. C'était Prévan. « À Dieu ne plaise, dit-il en se levant, que je doute de la sagesse de Madame de Merteuil, mais j'oserais croire qu'elle la doit plus à sa légèreté qu'à ses principes. Il est peut-être plus difficile de la suivre que de lui plaire. Et comme on ne manque guère en courant après une femme d'en rencontrer d'autres sur son chemin, comme à tout prendre, ces autres-là peuvent valoir autant ou mieux qu'elle. Les uns sont distraits par un goût nouveau, les autres s'arrêtent de lassitude. Et c'est peut-être la femme de Paris qui a eu le moins à se défendre. Pour moi, ajouta-t-il encouragé par le sourire de quelques femmes, je ne croirai à la vertu de Madame de Merteuil qu'après avoir crevé 6 chevaux à lui faire ma cour. Cette mauvaise plaisanterie réussit comme toutes celles qui tiennent à la médisance. Et pendant le rire qu'elle excitait, Prévan reprit sa place et la conversation générale changea. Puis je l'ai entendu relever le défi de vous rendre sensible et prendre le serment de tout raconter ensuite. Mais vous voilà bien averti et vous savez le proverbe. Adieu, ma belle amie. Méfiez-vous des idées plaisantes ou bizarres qui vous séduisent toujours trop facilement. Songez que dans la carrière que vous courez, l'esprit ne suffit pas. Qu'une seule imprudence y devient un mal sans remède. Souffrez enfin que la prudente amitié soit quelquefois le guide de vos plaisirs. Adieu, je vous aime pourtant comme si vous étiez raisonnable. Lettre 81. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont, ce 20 septembre. Que vos craintes me causent de pitié. Combien elle me prouve ma supériorité sur vous. Vous voulez m'enseigner, me conduire? Ah, mon pauvre Valmont, quelle distance il y a encore de vous à moi. Non, tout l'orgueil de votre sexe ne suffirait pas pour remplir l'intervalle qui nous sépare. Qu'avez-vous donc fait que je n'ai surpassé 1000 fois? Vous avez séduit, perdu même, beaucoup de femmes. Mais quelles difficultés avez-vous eu à vaincre? Quels obstacles à surmonter? Où est le mérite qui soit véritablement à vous? Une belle figure, pur effet du hasard. De l'esprit à la vérité, mais auquel du jargon suppléerait au besoin. Une impudence assez louable, mais peut-être uniquement due à la facilité de vos premiers succès. Si je ne m'en trompe, voilà tous vos moyens. Quant à la prudence, à la finesse, quelle femme n'en aurait pas plus que vous? Votre présidente vous mène comme un enfant. Pour vous autres hommes, les défaites ne sont que des succès de moins. Dans cette partie si inégale, notre fortune est de ne pas perdre et votre malheur de ne pas gagner. Supposons, j'y consens, que vous mettiez autant d'adresse à nous vaincre que nous à nous défendre ou à céder. Vous conviendrez au moins qu'elle vous devient inutile après le succès. Uniquement occupé de votre goût, vous vous y livrez sans crainte, sans réserve, et ce n'est pas à vous que la durée importe. En effet, ces liens réciproquement donnés et reçus, pour parler le jargon de l'amour, vous seul pouvez, à votre choix, les resserrer ou les rompre. Mais qu'une femme infortunée sente la première le poids de sa chaîne, quel risque n'a-t-elle pas à courir si elle tente de s'y soustraire, si elle ose seulement la soulever? Ce n'est qu'en tremblant qu'elle essaye d'éloigner d'elle l'homme que son cœur repousse avec effort. S'obstine-t-il à rester? Ce qu'elle accordait à l'amour, il faut le livrer à la crainte. Ses bras s'ouvrent encore quand son cœur est fermé. À la merci de son ennemi, elle est sans ressources s'il est sans générosité. Sans doute, vous ne nierez pas ces vérités que leur évidence a rendues triviales. Si cependant vous m'avez vu, disposant des événements et des opinions, faire de ces hommes si redoutables les jouets de mes fantaisies, ôter aux uns la volonté, aux autres la puissance de me nuire, si j'ai su tour à tour, et suivant mes goûts mobiles, attacher à ma suite ou rejeter loin de moi ces tyrans détrônés devenus mes esclaves, si, au milieu de ces révolutions fréquentes, ma réputation s'est pourtant conservée pure, n'avez-vous pas dû en conclure que, né pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre, j'avais su me créer des moyens inconnus jusqu'à moi ? Ah, gardez vos conseils et vos craintes pour ces femmes à délire et qui se disent à sentiments dont l'imagination exaltée ferait croire que la nature a placé leur sens dans leur tête. Mais moi, qu'ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées ? Et quand m'avez-vous vu m'écarter des règles que je me suis prescrites et manquer à mes principes ? Mes principes sont le fruit de mes profondes réflexions. Je les ai créés et je puis dire que je suis mon ouvrage. Entrée dans le monde dans le temps où, fille encore, j'étais vouée au silence et à l'inaction, j'ai su en profiter pour observer et réfléchir. Je n'avais pas 15 ans. Je possédais déjà les talents auxquels la plus grande partie de nos politiques doivent leur réputation. Vous jugez bien que, comme toutes les jeunes filles, je cherchais à deviner l'amour et ses plaisirs, mais je n'avais que des idées vagues et que je ne pouvais fixer. Je n'avais pas l'idée de jouir, je voulais savoir. Le désir de m'instruire m'en suggéra les moyens. Je sentis que le seul homme avec qui je pouvais parler sur cet objet sans me compromettre était mon confesseur. Aussitôt, me vantant d'une faute que je n'avais pas commise, je m'accusais d'avoir fait « tout ce que font les femmes », ce fut mon expression. Le bon père me fit le mal si grand que j'en conclus que le plaisir devait être extrême, et au désir de le connaître succéda celui de le goûter. Je ne sais où ce désir m'aurait conduite. Heureusement pour moi, ma mère m'annonça que j'allais me marier. Sur le champ, la certitude de savoir éteignit ma curiosité et j'arrivai vierge dans les bras de Monsieur de Merteuil. La première nuit, dont on se fait pour l'ordinaire une idée si cruelle ou si douce, ne me présentait qu'une occasion d'expérience. Douleur et plaisir, j'observais tout exactement et ne voyais dans ces sensations que des faits à recueillir et à méditer. Fidèle à mes principes, je résolus, par cela seul que j'étais sensible, de me montrer impassible aux yeux de mon mari. Cette froideur apparente fut le fondement inébranlable de son aveugle confiance. Au bout de quelques mois, Monsieur de Merteuil m'ayant mené à sa triste campagne, la crainte de l'ennui fit revenir le goût de l'étude, et ne m'y trouvant entourée que de gens dont la distance avec moi me mettait à l'abri du soupçon, j'en profitai pour donner un champ plus vaste à mes expériences. La maladie de Monsieur de Merteuil vint interrompre de si douces occupations. Il mourut rapidement, et je sentis vivement le prix de la liberté qu'allait me donner mon veuvage. Un an se passa dans ces occupations différentes. Mon deuil me permettant alors de reparaître, je revins à la ville avec mes grands projets. Ma conduite fut louée par ces femmes qui, dans l'impuissance d'avoir des prétentions à l'agrément, se rejettent sur celle de la vertu. Au moindre propos qu'on se permettait sur moi, tout le parti prude criait au scandale. Pour me ménager entre mes amants et mes fidèles protectrices, je me montrais comme une femme sensible mais difficile, à qui l'excès de sa délicatesse fournissait des armes contre l'amour. Alors, je commençais à déployer sur le grand théâtre les talents que je m'étais donnés. Mon premier soin fut d'acquérir le renom d'invincible. Pour y parvenir, les hommes qui ne me plaisaient point furent toujours les seuls dont j'eus l'air d'accepter les hommages. Je les employais à me procurer les honneurs de la résistance, tandis que je me livrais sans crainte à l'amant préféré. Descendu dans mon cœur, j'y ai étudié celui des autres, j'y ai vu qu'il n'est personne qui n'y conserve un secret qui lui importe qu'il ne soit point dévoilé. Ce que je vous dis là, vous me le voyez pratiquer sans cesse, et vous doutez de ma prudence. Eh bien, rappelez-vous le temps où vous me rendîtes vos premiers soins. Si vous eussiez voulu me perdre, quel moyen eussiez-vous trouvé? De vains discours qui ne laissent aucune trace après eux, que votre réputation même eût aidé à rendre suspect, et une suite de faits sans vraisemblance dont le récit sincère aurait eu l'air d'un roman mal tissé. De prétendre que je me donne tant de soins pour n'en pas retirer le fruit, qu'après m'être autant élevée au-dessus des autres femmes par mes travaux pénibles, je consente à ramper comme elles dans ma marche entre l'imprudence et la timidité, que surtout je puisse redouter un homme au point de ne plus voir mon salut que dans la fuite. Non, vicomte, jamais. Il faut vaincre ou périr. En deux mots, voilà notre roman. Adieu. Quant à Prévent, je veux la voir et je l'aurai. Il veut le dire et ne le dira pas. Lettre 84, le vicomte de Valmont à Cécile Volanges, ce 24 septembre. Vous avez vu combien nous avons été contrariés hier. De toute la journée, je n'ai pas pu vous remettre la lettre que j'avais pour vous. Cependant, je connais les impatiences de l'amour. Je sens combien il doit être pénible dans votre situation d'éprouver quelque retard à la seule consolation que vous puissiez goûter dans ce moment. À force de m'occuper des moyens d'écarter les obstacles, j'en ai trouvé un dont l'exécution sera aisée si vous y mettez quelques soins. Je crois avoir remarqué que la clé de la porte de votre chambre, qui donne sur le corridor, est toujours sur la cheminée de votre maman. Tout deviendrait facile avec cette clé, vous devez bien le sentir. Mais à son défaut, je vous en procurerai une semblable et qui la suppléera. Il me suffira pour y parvenir d'avoir l'autre une heure ou deux à ma disposition. Vous devez trouver aisément l'occasion de la prendre. Et pour qu'on ne s'aperçoive pas qu'elle manque, j'enjoins ici une, à moi, qui lui est assez semblable pour qu'on n'en voit pas la différence, à moins qu'on ne l'essaie, ce qu'on ne tentera pas. Il faudrait tâcher d'avoir cette clé pour demain à l'heure du déjeuner. Le peu de confiance que vous témoigne votre maman et ses procédés si durs envers vous autorisent de reste cette petite supercherie. Adieu, ma belle pupille, car vous êtes ma pupille. Aimez un peu votre tuteur, et surtout ayez avec lui de la docilité, vous vous en trouverez bien. Je m'occupe de votre bonheur, et soyez sûr que j'y trouverai le mien. Lettre 88, Cécile Volanges au vicomte de Valmont, ce 26 septembre. Malgré tout le plaisir que j'ai, monsieur, à recevoir les lettres de monsieur le chevalier Danceny, je n'ai pas osé cependant faire ce que vous me proposez. Si vous avez toujours la bonté d'être aussi complaisant que jusqu'ici, vous trouverez toujours bien le moyen de me remettre une lettre. Je sens bien que vous ne pouvez pas, comme moi, ne songer qu'à ça, mais j'aime mieux avoir plus de patience et ne pas tant risquer. Je suis sûre que monsieur Danceny dirait comme moi, car toutes les fois qu'il voulait quelque chose qui me faisait trop de peine, il consentait que cela ne fût pas. Et pourvu que monsieur Danceny m'aime toujours et que vous ne m'abandonniez pas, il viendra peut-être un temps plus heureux. En attendant, j'ai l'honneur d'être, monsieur, avec bien de la reconnaissance, votre très humble servante. Lettre 89. Le vicomte de Valmont au chevalier Danceny, ce 26 septembre. Si vos affaires ne vont pas toujours aussi vite que vous le voudriez, mon ami, ce n'est pas tout à fait à moi qu'il faut vous en prendre. J'ai ici plus d'un obstacle à vaincre. La vigilance et la sévérité de Madame de Volanges ne sont pas les seules. Votre jeune ami m'en oppose aussi quelques-uns. Soit froideur ou timidité, elle ne fait pas toujours ce que je lui conseille, et je crois cependant savoir mieux qu'elle ce qu'il faut faire. Peut-être feriez-vous bien de lui en écrire? Ce pourrait être aussi une façon de plus de vous assurer de ses sentiments pour vous. Car la femme qui garde une volonté à elle n'aime pas autant qu'elle le dit. Adieu, mon ami. Lettre 90, la présidente de Tourvel au vicomte de Valmont, ce 27 septembre. Je désire beaucoup, monsieur, que cette lettre ne vous fasse aucune peine. Ou qu'au moins, elle puisse être adoucie par celle que j'éprouve en vous l'écrivant. Vous devez me connaître assez à présent pour être bien sûr que ma volonté n'est pas de vous affliger. Mais vous, sans doute, vous ne voudriez pas non plus me plonger dans un désespoir éternel. Je vous conjure donc, au nom de l'amitié tendre que je vous ai promise, au nom même des sentiments peut-être plus vifs que vous avez pour moi, ne nous voyons plus. Partez. Et jusque-là, fuyons surtout ces entretiens particuliers et trop dangereux, où, par une inconcevable puissance, sans jamais parvenir à vous dire ce que je veux, je passe mon temps à écouter ce que je ne devrais pas entendre. Ne craignez pas que votre absence altère jamais mes sentiments pour vous. Comment parviendrai-je à les vaincre quand je n'ai plus le courage de les combattre? Vous le voyez, je vous dis tout. Je crains moins d'avouer ma faiblesse que d'y succomber. Mais cet empire que j'ai perdu sur mes sentiments, je le conserverai sur mes actions. Oui, je le conserverai, j'y suis résolue, fût-ce aux dépens de ma vie. Hélas, le temps n'est pas loin où je me croyais bien sûr de n'avoir jamais de pareils combats à soutenir. Je m'en félicitais, je m'en glorifiais peut-être trop. Le ciel a cruellement puni cet orgueil. Mais plein de miséricorde, même au moment qu'il nous frappe, il m'avertit encore avant ma chute. Si pour vous rendre heureux, il ne fallait que consentir à être malheureuse, vous pouvez m'en croire, je n'hésiterai pas un moment. Mais devenir coupable, non, mon ami, non. Plutôt mourir mille fois. Voyez votre amie, celle que vous aimez, confuse et suppliante, vous demander le repos et l'innocence. Faites par générosité ce que je fais par devoir. Et à tous les sentiments que vous m'avez inspirés, je joindrai celui d'une éternelle reconnaissance. Adieu. Adieu, monsieur. Lettre 91. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel, ce 27 septembre au soir. Consterné par votre lettre, j'ignore encore, madame, comment je pourrais y répondre. Sans doute, s'il faut choisir entre votre malheur et le mien, c'est à moi à me sacrifier et je ne balance pas. Mais de si grands intérêts méritent bien, ce me semble, d'être avant tout discutés et éclaircis. Et comment y parvenir si nous ne devons plus nous parler ni nous voir? Écoutez-moi, et si vous me condamnez, j'y souscris et je pars. Quoi? Vous allez m'éloigner de vous? Vous consentez donc à ce que nous devenions étrangers l'un à l'autre? Que dis-je? Vous le désirez? Je m'arrête et réclame votre indulgence. Pardonnez l'expression d'une douleur que vous faites naître. Elle ne nuira point à ma soumission parfaite. Mais je vous en conjure à mon tour. Au nom de ces sentiments si doux que vous-même vous réclamez, ne refusez pas de m'entendre. Et par pitié, du moins pour le trouble mortel où vous m'avez plongé, n'en éloignez pas le moment. Adieu, madame. C'était « Les liaisons dangereuses » de Pierre Chauderlos de Laclos, adaptation Lise Charles. Cinquième épisode avec Élodie Hubert, Cécile Volange, Sophie Doll, la marquise de Merteuil, Gabriel Dufay, le vicomte de Valmont, Flora Brunier, la présidente de Tourvel. Violoncelle baroque et arrangement, Lisa Herbès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claude Niort, Bastien Varigaud, Félix Levaché, Jean-Mathieu Zande.